Bonsoir, vous écoutez La Face Cachée du Folk, l'émission qui démystifie les musiques traditionnelles tous les lundis soirs à 21h. Issue de la rencontre des courants folkloristes et du revivalisme folk, les musiques traditionnelles d'aujourd'hui proposent une palette sonore très large, difficile à classer. Loin de l'image vieillotte que le bal folk véhicule parfois, la professionnalisation de nombreux musiciens et l'évolution des danseurs ont fait entrer cet univers sur la scène des musiques dites actuelles. La Face Cachée du Folk a pour ambition de vous faire découvrir et apprécier cette palette sous toutes ses couleurs au travers d'interviews et d'extraits musicaux. Ce soir, la Face Cachée du Folk vous fait traverser la France, enfin traverser vers l'ouest. Il paraît que c'est l'ouest, moi je trouve que c'est un peu le sud-ouest hein, par rapport à Nancy, il fait plus chaud, il y a moins de pluie, tout ça, mais bon, il paraît que c'est l'ouest quand même et pas le sud-ouest. Et donc on va aller vers le Poitou avec Mathieu Touzeau qui m'a envoyé son dernier album de chansons et musique, on va dire patoisante, dans lesquelles il s'exprime en patois picto-saintongeais, voilà. Et donc c'est pour parler de son activité et puis de cet album qu'il est avec nous ce soir. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Vous m'avez envoyé cet album, La Maison Nénée, c'est à dire avec l'accent du coin. Avant de rentrer dans le détail et le vif de cet album, est-ce que déjà on peut vous présenter un peu? Vous êtes guitariste, chanteur, professeur? Alors oui, en fait, je sévis dans trois domaines musicaux, on va dire. La guitare classique, la chanson française et la chanson patoisante du Poitou. Voilà mes chansons à texte, là. Je suis par ailleurs professeur de guitare et de formation musicale. Je compose pour guitare classique et puis je crée aussi mes chansons, chansons françaises à texte. Donc voilà, il y a trois domaines musicaux qui me sont complémentaires. C'est assez original. Peut-être en Poitou, il y a plus de personnes qui ont cette approche-là de la langue du patois local. En tout cas, en Lorraine, on n'en a pas beaucoup. Oui, alors en fait, je suis un peu... Ça fait un peu dernier des Mohicans quand même. Mais en fait, oui, on est aussi de moins en moins nombreux parce qu'effectivement, la langue régionale, comme partout en France, tend à disparaître. Mais il n'empêche qu'il y a des chansons qui sont des véritables monuments locaux et un patrimoine. Bon, la langue, c'est pas n'importe quoi, c'est quand même très important pour un patrimoine local. Et donc, en tant que musicien, c'est aussi intéressant d'interpréter ces chansons-là. Alors on va peut-être écouter déjà un premier morceau, le morceau éponyme de votre album. Alors c'est la maison de Néné. Oui, en fait ça veut dire la maison de Mémé. Et en fait c'est une chanson qui décrit ce qu'on pouvait vivre chez nos grands-mères avec des images très fortes, avec une poésie, une belle poésie donc dans cette langue-là. Voilà. Alors prêtez bien l'oreille, hein. On peut tout comprendre, mais il faut faire attention aux paroles. Bonne écoute. Dans la maison menée, au centre et la fumaille, la pièce était pavée avec deux grands piottes, aussi phasée d'eau feu tous les jours de la naille, pour chauffer la pelouse, la potaille ou le câlin. Dans la maison menée, conseil dimanche ou fête, on rentrait sans frapper, sans outer son bonnet, mais au flé laissait de force son cheval ou sa brouette, et raquait ses gaillotches au churban sans mouiller. Dans la maison de nez, oh, y avait d'eau main douce, qu'essuyant des morchous d'eau drôle, qui venait de rentrer. Vins dans chimon pas drôle, regarde-moi chez le frimousse. Oh, les toujours blessures que tes corps enrhumés dans la maison de nez. Quand on revenait d'école, oh, y avait d'eau graissaille, d'eau graton, d'eau pâté, de la confiture de coin, ou ben de la gelée de gersol, mais flé faire attention à pas s'embeurdouérer dans la maison de nez. grinçait sur la cheminaille. Il y avait de jolis pains, coffles et pains y touchés. Farine, épices et sucre, poivre et pêche et corail. Les berlingots étaient danchés au marqué café. Dans la maison menée, oh, y avait d'une cassette. En travers d'un siadef posé devant l'œil d'Aubac, on pouvait s'en servir pour laver les petottes. Et même les goretteries qu'on ramenait sur son sac. Dans la maison aînée, pour laver ses potes sales, on fallait se mettre devant le bac et ben se les sabouder. Et surtout ben frotter pour que la crasse s'en aille, en faisant attention à pas tout équister. On aurait pu chaque corps se faire appouer une calotte. À trop vestouillonner dans la maison aînée, s'en avait réussi à faire faire la palotte. À la goutteur d'échelle, à côté d'eau fourrée, dans la maison aînée, oh, y avait une belle cave. Car elle m'a fait l'affaire pour mettre un chardonneret. Seulement voilà nené, il mettait ses fermes à cause de mouches à verre autour à besouner. Dans la maison nené, quand on se brait sa blouse, oh, y avait tout ce coffelé pour saner les accros. Mais fallait faire attention, parce qu'on était quelque chose. Au prochain qui varait, forêt, gîte, le sarreau. Dans la maison nené, on lavait à la goutte les éralures de pia qu'on se faisait en cheillant. Mais on flait surtout pas qu'on arrachisse les croûtes, les règnes d'arracher au yarin plus méchant. Dans la maison aînée, on flait pas que le chien rentre, parce que quand on mouillait le petaquet pour tout, ça s'était sur le basseil, les pas devant son ventre, la tenait l'oreille de ses qu'on garochisse à nous. Dans la maison aînée, oh, y avait une tapette pour prendre les souris au pied de potaé, parce que chauffait Nyancha, tu me parles d'une jolie bête. Dormez chia journa ou s'n allez marauder. Dans la maison de Nenny, elle mâche plus la pendule. Car au sèche qu'un a arrêté le balancier. Les ouvents sont tapés, y'a une bougie qui brûle. Le nez d'or sur son lit, faut pas la réveiller. Dans la maison aînée, à neuil y'a plus personne. Pourtant toujours chacun y entend chacun causer. Une voix qui reconnaît bien, qui me dit mon petit bonhomme, à vous rouler ton tour, te v'là devenu pépé. Te v'là devenu pépé. Donc vous venez d'entendre Mathieu Touzeau interprétant donc la maison de Néné. Vous écoutez La Face Cachée du Folk sur Fadjet 94.2 à Nancy. Votre émission folk, trad, néo-trad, qui brasse tous les courants le lundi soir à 21h. Mathieu Touzeau, donc, qui est en Poitou, s'est intéressé à ce répertoire en langue régionale. Qu'est-ce qui fait votre intérêt, en fait? Vous disiez, vous êtes un peu le dernier des Mohicans, alors pourquoi vous? Alors oui, alors on me pose très souvent la question, pourquoi à mon âge, parce que je ne suis pas 80 ans non plus, j'ai 40 ans, pourquoi à votre âge, vous chantez en patois, vous n'avez pas d'autre chose à faire? Et en fait, c'est que au départ, moi, donc, ma formation, c'est guitariste classique. Et quand j'ai fait mes études d'enseignant en musique, j'ai commencé à faire de la chanson française. Il y a eu un moment donné, assez vite d'ailleurs, j'ai ressenti vraiment un manque dans ma pratique musicale, parce qu'elle ne me paraissait pas complète, parce que je faisais du classique, de la chanson française, et il manquait cet aspect régional que je connaissais par ma famille aussi. Et il manquait dans ma pratique de musicien, il manquait quelque chose. Et c'est comme ça que c'est arrivé finalement. Il y a quand même un contexte familial qui fait que vous aviez encore ces sonorités-là dans la tête. Il y a une chanson qui s'appelle Grand-père violonneux. Oui, Alcide le violonneux. Est-ce que ça fait justement référence à quelqu'un de votre famille ? Alors, c'est une auteure de la région qui a écrit le texte, c'est Geneviève Prousse-Bouffard, qui a écrit ce texte à propos de son grand-père. Mais au départ, c'est un poème que j'ai mis en chanson. Et j'ai choisi ce texte parce qu'il m'a attiré, parce que effectivement dans ma famille c'est un arrière grand-père qui avait une moustache qui s'enroule là. Il nous reste une photo donc de lui avec sa sacrée moustache, et il se trouve que dans le texte il est évoqué à la fois une moustache et son prénom Alcide. Et donc du coup j'ai accroché sur ce texte, et c'est pour ça que j'ai mis en chanson ce texte. En fait, j'ai mis en chanson des textes qui me touchent, qui sont parfois très très beaux, mais des fois parce que par exemple le texte de Gilles Bertaneau, il y a la ville dont je suis originaire du côté de ma mère qui est Rouillé, qui est cité dans le texte, et du coup ça m'a donné envie de mettre en chanson ce texte-là. Donc voilà. En fait, finalement, les différentes chansons ou ce répertoire, vous avez plaisir à l'interpréter parce qu'il vous parle de là d'où vous êtes, de vos racines, de finalement ce que vous avez connu un petit peu à travers vos anciens. Oui, mes grands-parents et mes arrière-grands-parents, et puis mais aussi les grands-oncles et tout. Donc il y a un certain nombre de chansons qui vous parlent du côté, on va dire, affectif, mais vous avez également dans cet album mis en avant des chansons du répertoire local qui sont, comme vous dites, de vrais monuments. On va en écouter un, et puis vous allez nous expliquer un peu ce que représentent ces chansons, ces airs. Donc c'est la sauce au luma. Le luma, oui. Bah vous verrez à la fin, hein. On vous expliquera ce que c'est si vous n'avez pas deviné. On a quémant la bonne chésine, d'eau grande barge de Paris, touche sans baie la margarine, mais on paye cher au vous suffit. Moyen bême la bonne mahaille, la bonne mahaille de chez nous, la routi houpée, la godaille, les mojettes et la soupe aux choux, pour besoin de 36 piens, pour barrer sous nain, quand on y a de la sens au luman. Quand tu me fais de la sens au luman, quand ton chela qui hargote, il te bigerait dessus les deux hottes, il s'est benaise dans ma pioche, pas tranquillement il trempe dans le pioche, des haf finis, faut que t'ordonnes. Si tu savais que m'tais mignonne, quand tu me fais de la sens au luman. Depuis longtemps, il était malade, au flib et faire venir le médecin. Tchogam défendit la salade, la soupe grasse et puis les boudins. S'il avait pris toutes ces saloperies, il y a un moment qui serait basi. Moi peur guérir la maladie. Un jour, savez-vous ce qu'il faisait? Au petit déjeuner, 80 lumas et 4 ou 5 moques de noix. Quand tu me fais la sens au luman, quand ton chela qui hargote, il te birait sur les deux hottes, il s'est benaise dans ma pion. Ben tranquillement, il trempe dans le pion. Des affini, faut que t'ordonnes. Si tu savais que m'tais mignonne, quand tu me fais de la sens au luman. Vous savez, bé, dans les ménas, on ne va pas te jouer au piangement. Même quand les gars sont ben ça, le bourgeois gurmelant tout le temps. L'amène quand t'as me voué faire la goule. Vite à ma pole, sans petit canet, et il sent sa main là qui se coule. Bon, touche à petit dans mon cagoué, elle sait oh là là, non qu'il me fâcherait pas, tant qu'un fera ma hard au luman. Quand tu me fais de la sens au luman, quand ton chela qui hargote, Il pirait tu les deux hâtes, il s'est bonaise dans ma pioche. Ben tranquillement, il trempe dans le pioche. Des raffinis, faut que t'en redonnes. Si tu savais que m'tais mignonne, quand tu me fais de la sens au lumant. Quand tu me fais de la sens au lumant, quand ton jeu là qui argote, il pirait sur les deux hottes, il s'est brûlé dans ma pioche. Ben tranquillement, il trompe dans le pioche. Des raffinis, faut que t'en redonnes. Si tu savais que t'es mignonne, quand tu fais la sens au lumant. Voilà, j'espère qu'après cette bonne dégustation de Luma, vous êtes toujours avec nous sur Radio Fadjet. On retrouve Mathieu Touzeau qui va nous expliquer un peu ce que représente cette chanson et puis les quelques autres chansons qu'il a choisies dans les monuments locaux du Poitou. Oui, en fait, donc la sauce au Luma, il s'agit de la seule chanson dans cette langue, le Poitevin Saint-Onger, qui a fait vraiment le tour de la France. En cela, c'est une chanson très importante pour la région, même si ici on l'a beaucoup et beaucoup trop écoutée. Du coup, parfois, tout le monde la connaît par cœur. Voilà, donc c'est vraiment une chanson très connue ici. En fait, c'est comme un hymne. Hein, Alors, elle a été écrite par qui? Alors, c'est Yves Rabeau. Mm-hmm. Yves Rabeau, c'est un personnage donc qui a vécu aussi à Paris et qui a fait, qui a chanté pour le tout Paris. Et du coup, il a eu un écho aussi, donc pour cette raison. Donc c'est des chansons donc à texte. Qu'est-ce qui fait l'intérêt en fait de cette chanson pour la France entière? Peut-être un air, mais peut-être qu'elle raconte aussi des choses qui parlent à tous. Alors pour moi, en fait, cette chanson elle a été créée juste après la Seconde Guerre mondiale. Et elle parle de la sauce au Luma, c'est un plat aux escargots, hein, voilà, qui est typique de la région, et puis qui est aussi humoristique, des côtés d'humour. Et dans un temps donc de juste après-guerre, et en fait c'est une chanson finalement qui rappelait aux gens le bon temps au bon moment, c'est-à-dire juste après la guerre. Et pour moi c'est peut-être aussi pour cette raison qu'elle a eu un succès partout. On chante la sauce au Luma aussi en Dordogne. Il y a des gens qui connaissent encore la sauce au Luma en Dordogne. Donc c'est vraiment... voilà. Alors qu'en Dordogne, c'est l'Occitan. Aujourd'hui, c'est encore un hymne pour la région. Même les jeunes générations l'apprennent? Alors, de moins en moins, on va dire, quand même. Moi, je sais que j'ai fait cela. J'ai enseigné la sauce au Luma à des enfants de primaire. Effectivement, c'est un pays où les escargots pullulent. Nous, en Lorraine, on a beaucoup de limaces, mais les escargots se plaisent bien en Poitou. Alors, vous évoquiez, Mathieu Touzeau, le fait que cette chanson était reprise également en langue d'oc. Effectivement, le patois de Poitou est en langue d'oïle. Oui, on est dans la zone d'oïle, mais en même temps, on est un peu encerclé. On est vraiment à la limite, en fait, avec la langue d'oc. Voilà, donc ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup d'influences hoc dans le Poitevin Saint-Onger. Par exemple, même dans les noms des villes, quand on dit Cognac, on est en langue d'oïle, mais on voit bien l'influence de la langue d'oc. Avec les sonorités en hack. Ben oui, et donc voilà, mais à Cognac, c'est quand même la langue d'oïle. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un intérêt, un renouveau un peu de cette langue d'oïle parmi les artistes ou parmi les régionaux, comme il pourrait y avoir pour la langue d'oc, qui est quand même bien mise en avant par différents chanteurs, différents conteurs? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est quand même une langue qui tend à disparaître, donc c'est quand même de plus en plus compliqué, hein. Même si moi je m'attelle à interpréter ces chansons, même en prenant ces chansons comme un patrimoine, on n'est pas certain que ces chansons perdurent. Et moi, c'est vraiment l'objectif de cet album, c'est que ces chansons qui sont des véritables monuments du patrimoine local perdurent. C'est pour ça l'objet de l'album. On va écouter un troisième morceau. Il y a des chansons, mais il y a aussi comme des contes, comme des histoires. On pourrait écouter Les crayons de couleur. Oui, alors Les crayons de couleur, c'est un très très beau texte d'Ulysse Dubois qui parle de Noël et d'un grand-père qui voit son petit-fils recevoir plein de cadeaux et il se souvient de son temps où il avait reçu une boîte de 6 crayons de couleur et il espère que son petit-fils a autant de bonheur que lui il avait quand il a reçu ses 6 crayons de couleur alors que son petit-fils reçoit plein de cadeaux. Voilà. Le bounounna d'Avour d'est avait fait fortune. Et tout cla hérité, cla eu d'eau subvention, athée en voyageant emprunté chez la lune, enfin ce qu'au y a de sûr, au l'éclat les moyens. Fauveur touché paché et paré dans la pièce, même devant chez cheminaille, pour qu'on se fait plus de feu. Peu père gâcheux en faisant une grimace, en Saint-Jean qu'à le zège lit, l'avait pas touché. Le souvent qu'à un cause qui faisait son bonheur, aussi une petite boîte de 6 crayons de couleur. Avec le crayon bu, le faisait l'Atlantique, que l'avait jamais vu, mais que le maître avait dit. Avec le jaune aussi le soleil de l'Afrique, qu'on se disait qu'elle était plus chaud que Chadichi. Le vert faisait un pré, l'y mettait une bergère, avec une blouse rouge, et puis d'eau grand pia brun, assis dessus son pian à l'abri de la terrière. Et chenègre à côté, où l'était son vieux chien. Mais on m'est arrivé qu'on allait jusqu'au pieur quand on cassait la mine d'un de ses crayons de couleur. Le venant en pyjama ou bien en couette de chemise, le galopon peut revoir ce qu'il y a dans le sous-là. Où il y a ce que l'on commandait, l'avons pas la surprise. Au vin de chez Cataloche, il paraît sans pernant. Au seigle à mode, où il y a de nouvelles chacanailles. Au l'allume, au burlute, au boule, au fait de l'effet. Les plus petits jeunes chants quand les piles s'entusaillent, ou qu'on a amorcé et chat roulé sous le buffet. Ah, pourvu que l'ayant un aussi grand bonheur que chat chez de boîte de 6 crayons de couleur. Vous venez d'entendre Les crayons de couleur, un texte donc écrit par Ulysse Dubois et interprété ici par Mathieu Touzeau. Vous écoutez La face cachée du folk sur Fadjet 94.2 à Nancy. Mathieu, vous pouvez nous expliquer un peu qui est Ulysse Dubois et pourquoi il y a plusieurs textes de lui dans votre album? Ulysse Dubois, c'est un poète et c'est un chansonnier qui est aujourd'hui une icône de la culture régionale du Poitou, tout simplement parce que ses textes sont vraiment magnifiques, qui est une poésie très très imagée, qui parle de la vie des gens, donc dans les campagnes, dans un monde que l'on peut situer au début du XXe siècle. Il y a beaucoup de jeux de mots aussi. Il y a beaucoup d'humour, du coup, un humour proche d'un Raymond Devos, mais en patois. Tout ça fait que c'est des chansons très riches et elles sont importantes, oui, tout simplement. Vous avez évoqué donc Ulysse Dubois et puis d'autres auteurs, en fait. Dans tout cet album, tous les textes sont des textes d'auteurs. Souvent dans cette émission, on évoque plutôt un répertoire traditionnel avec des auteurs qui sont restés anonymes et qui ont été collectés. Est-ce que ça fait aussi partie de votre répertoire ? Oui, j'ai fait partie de groupes de musique à danser dans le Poitou. Bon, j'en fais plus partie. Vous pouvez en citer quelques-uns ? Parce qu'en bal, on en connaît. Ils ont la cote, même, les Poitevins, en ce moment. Ah oui, oui, oui. Eh bien, le plus connu aujourd'hui, je pense, c'est Siak Boum. Il y a aussi Benoît Guerbigny, aussi. Qui fait danser. Et puis, il avait sorti un album avec Marif Cofino, et du coup, avec justement des chansons... Voilà, après, moi, je faisais partie de deux groupes qui s'appelaient Vas-y d'abord et Sangunitu, qui ne sont pas très connus dans l'Est. Quand je faisais partie de groupe de musique à danser, je commençais déjà à chanter en patois, on va dire. Voilà, donc après, c'était logique dans mon parcours, on va dire. On connaît, nous, donc, le public, en fait, de ces musiques à danser. Enfin, je dis nous, c'est là-dedans que, en tout cas, personnellement, je baigne, et puis il y a beaucoup d'auditeurs de cette émission également. Mais pas que, j'espère. Et quel est le public, en fait, pour ce répertoire de compositions chantées plutôt en concert? Alors, en fait, c'est surtout, effectivement, un public qui a soit parlé dans cette langue, soit connu cette langue enfant, parce qu'effectivement, on entend de moins en moins cette langue dans les rues et même dans les campagnes. Et très souvent, moi, quand je chante en concert, j'ai des réactions d'émotion. Régulièrement, il y a des personnes qui pleurent quand je chante, parce qu'ils entendent des mots qu'ils n'avaient pas entendus depuis très longtemps. En fait, ça ramène à l'enfance. Et du coup, ça touche beaucoup. J'ai remarqué ça, c'est très fort, en fait. Donc il y a ce public-là. Mais moi j'espère, en faisant cet album, qu'on prenne conscience que ce patrimoine d'une part existe et puis de la richesse de ce patrimoine. Pour peut-être justement toucher à cette émotion, on peut écouter les lettres d'amour. Oui. Partout pour qu'on va, le téléphone sonne. On a même chez le faisant, c'est grave avec ce. La pub m'écrit moi, mais la goule me loune. Comment se fait tout bien, faut créer que les meux. Les petits drôles chissants, élevés de cette manière, savent dire allô avant de dire me ment. L'entendant loup grande et loup grand frère, j'y téléphonant, parles agréments. Les haines se passant, de coups de fil à vous, y a tôt d'un pu de lettres d'amour. On se souvint que, quand on voulait écrire, on la tenait que les vieux haïtiens couchés. Et puis la réponse, à pas peur la lire, on cherchait un raccoin pour se cacher. On y avait dessus, on était formidable quand y'en avait chudante de me casser. D'abord on trouvait, je à peine croyable, puis à l'ouperné par la vérité. Faut pas s'étonner qu'on se regrette à vous, le temps qu'on recevait nos lettres d'amour. La lettre conquene à l'enveloppe chiffrière, au papier de couleur crème ou rose ou bleu, pour la décacheter aux muses et meilleures, au dur de savoir ce qu'il y a d'écrit dessus. La lettre qu'on sac dans le fin d'une tirette, faut qu'on crée que les autres iront pas foucheter. Attendis qu'on singe, qu'on achète cachette, on n'est pas tout seul quand on est rincé. Puis on peut se relire n'importe quel jour, autant compagnon, les lettres d'amour. Le savion de retour, peur dès que se lance, les retards et souvent peur le ressonner. On les calatenait, les au coin de la grange, que fait qu'on était midi et demi sonné. J'ai un gâté de facteur, l'été haïssable, il disait que la verra avant de l'y donner. Quand à l'arrivée, s'assire à la table, un caveur ses oeils, l'étions renseignés. Le facteur Perman, d'Orechiam à vous, et reliment moi de lettres d'amour. Au faux Sahéa, je que les arrive, une lettre qui annonce que tout est fini. Une lettre nôtre, une lettre chétive, qu'au faux un moment peut en être mis. On n'en revint pas de ce que l'on peut écrire, chacun qu'on croyait qu'on pouvait canter. J'étais qu'une bougresse, j'étais qu'un faisir, et j'y faisais veur sa mosiveté. une lettre comme chef, y'a qu'à lire aller le feu de la cheminée, la lirale de Ré. Bien sûr qu'au faux pas, gerbe l'iléhène, le son est forcé de s'aigre le temps. Faut pas le demander, s'aimer à l'ancienne, j'achifferions, je les lévasserions. Les histoires d'amour, elles sont plus pareilles, à ne qu'il y a plus de bergères au champ. Seul causant tout seul, en se tenant l'oreille, et quand on va pas, le nom rigolant. Les haines s'appelons sur le portable à vous, y'a tombé corps de lettres d'amour. Après ces lettres d'amour d'Ulysse Dubois, interprétées par Mathieu Touzeau, on va peut-être évoquer un peu plus l'instrumentarium qui accompagne les chansons dans l'album de Mathieu, parce qu'il est assez varié et pas forcément hyper traditionnel, alors on s'y attend pas. Vous êtes prof de guitare, mais vous touchez aussi à d'autres instruments, vous pouvez nous en parler un peu ? Donc dans les chansons, il y a l'instrumentation change à chaque chanson. Il y a des chansons même a cappella où je chante tout seul. Et puis il y a des chansons, alors il y a toutes sortes d'instruments effectivement, donc je joue de la basse électrique, de l'ukulélé, deux ukulélés, l'ukulélé hawaïen et l'ukulélé tahitien. Ouais, alors c'est quoi la différence ? Ah, c'est le son et la forme de l'instrument. En fait, ça n'a rien à voir, c'est deux ukulélés, mais c'est vraiment deux instruments complètement différents. L'ukulélé tahitien, il est en forme de triangle, tandis que l'ukulélé hawaïen, bon, on le connaît plus. C'est le ukulélé, on va dire, classique, enfin qu'on voit. Et l'ukulélé tahitien, on le voit rarement. C'est un son qui... En fait, l'ukulélé tahitien, il est fait pour être joué dehors. Vraiment, donc il percute. Et donc dans l'album, j'utilise pour faire un son un peu banjo. Donc je joue aussi un peu d'accordéon. Puis il y a deux musiciens instrumentistes, Chloé Netter qui joue du violon, et Mathieu de Thor qui joue de la flûte à bec ténor pour deux chansons différentes. Et il y a aussi un petit chœur de neuf choristes pour des refrains de chansons comme la sauce au luma. Donc c'est assez varié, voilà, il y a du monde, vous êtes en solo, enfin c'est un solo, mais vous n'êtes pas tout à fait tout seul en fait, cet album. Alors justement, donc cet album est associé à des concerts, à des tournées, vous l'avez déjà fait tourner un peu en 2018, même avant en fait, je crois. Oui, oui, oui. Quelles seraient les prochaines dates, les prochains lieux ? Alors prochainement, il y a deux rencontres de patoisans, en Saint-Onge et en Poitou, donc prochainement, où je chante quelques chansons. Après, il y a différents concerts dans la région. Donc là, il y en a combien de prévus ? 5-6, quelque chose comme ça, jusqu'au mois de juin. Voilà. Pour trouver les infos, c'est mathieutouzeau.com. Com. Voilà. Donc le but étant toujours de chanter ces chansons qui sont importantes au niveau du patrimoine. Voilà. Oui, et puis vous les avez présentées également au Salon de l'Agriculture l'année dernière. Ah oui, alors je me suis produit effectivement au Salon de l'Agriculture à Paris. J'ai chanté en patois également, en Lettonie. Ça c'est original, ça, ça leur parle. oui, alors j'avais expliqué, même dans une école, j'avais chanté en Poitevin. Et c'était très sensible parce que le letton, c'est une langue qui a été combattu quand la Lettonie était russe. Je leur ai expliqué l'histoire des langues régionales en France. Il y a des similarités, oui. Et du coup, ils avaient écouté attentivement l'explication, en tout cas. Parce qu'en fait, en Lettonie, ils ne comprennent pas forcément le français non plus. Donc, oui, que ce soit du patois, poitevin ou du français. En fait, oui, voilà. Mais je trouvais ça intéressant de leur expliquer, puis de leur faire écouter. Puis, je trouvais l'idée bonne de faire écouter du poitevin en Lettonie. Et j'ai chanté aussi au Québec, donc en poitevin. Et ça leur a parlé parce que souvent là-bas, ils se revendiquent de parler le vieux françois. Oui, j'avais chanté au cabaret du roi à Montréal où les serveurs ils parlaient parlaient de la Nouvelle-France, donc l'ancien parlait canadien des premiers Québécois. Il y a probablement pas mal de poitevins ou de littoraux, enfin de côtiers qui sont partis là-bas. Ah oui, tout à fait. Et l'Acadien est très très proche du poitevin en fait. En Acadie, en fait, c'est beaucoup de poitevins qui ont migré en Acadie. Oui, on retrouve des fois dans le répertoire des similarités également. Ouais. Mm. Alors les Acadiens, les Québécois, les Lettons, et puis également les Poitevins, ils peuvent écouter cette langue régionale, ces chansons, donc avec cet album, La Maison Nénée, de Nené, je ne sais pas si je vais y arriver, et donc pour se le procurer, alors je suppose chez les disquaires principalement en Poitou, mais également sur Internet, enfin voilà Mathieu, je vous laisse expliquer tout ça. Oui, effectivement, il est en vente en Poitou-Charentes-Vendée, puisque c'est la zone linguistique du Poitevin-Saintonger. Et sur Internet, alors le plus simple, c'est d'aller sur mon site Internet, mathieutouzeau.com. Touzeau, c'est T-O-U-Z-O-T. Ou alors, il y a des sites aussi de vente, comme le site auvergnat Phonolite. Je peux renvoyer à une émission qu'on avait faite avec Mathéo, justement, de Phonolite, et qu'on avait diffusée cet automne, si vous voulez savoir plus sur Phonolite, ce que c'est. Donc, c'est un distributeur de votre album. Oui. Donc, il est en vente donc sur quelques sites internet comme ça, et puis sur mon site personnel également. Merci beaucoup, Mathieu. Et puis, au plaisir, alors je ne sais pas si la Lorraine pourra vous accueillir ou le Grand Est pour ce répertoire, mais en tout cas, ça fait plaisir à entendre. Oui, ben, merci à vous. Et puis, eh bien, j'espère un grand succès pour cet album et puis pour vos spectacles. À bientôt. À bientôt, merci. La face cachée du folk, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain à 21h. En attendant, pour réécouter ce programme et les précédents, rendez-vous sur www.fadjet.net/lafacecachedufolk, mais aussi sur Mixcloud. Pour être au courant des prochaines interviews, abonnez-vous à la page Facebook. Et n'hésitez pas à me contacter via Fadjet. À la semaine prochaine! Merci.